Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Wake Up NBA, votre podcast hebdomadaire sur la NBA. Moi c'est Gus, évidemment je ne suis pas tout seul aujourd'hui. Je suis avec celui qui a la même fiabilité au shoot que Westbrook, c'est Gabin. Salut Gabin. Quel chiant. Salut, salut tout le monde. Le leader qui est avec Westbrook qui va pas te lâcher Gabin. Mec, ça va me faire toutes les saisons, s'il y en a 10, je trouverai toujours une vanne mec. Je suis aussi avec celui qui a conseillé le régime alimentaire de Harden la saison dernière, c'est Rémi. Salut Rémi. Let's go. Comment tu vas Rémi? Bah écoute, ça va tranquille. Il y a Harden qui m'a appelé, il veut que j'entraîne à travailler le shoot maintenant. Bah heureusement qu'il a pas appelé Gabin. Je suis aussi avec celui qui a la pire connexion internet pour enregistrer un podcast, c'est Nico. Salut Nico. Bonjour. Parfait, en vrai l'impro est parfaite. Aujourd'hui on va vous parler de Denver et Rémi nous fera jouer sur l'histoire des Nuggets. C'est parti. Denver du coup, Denver, les Nuggets qui ont fini l'année dernière 3ème de l'Ouest, 47 victoires, 25 défaites, une saison globalement correcte avec 115 points marqués par match et 110 encaissés, 8ème à chaque fois sur chaque catégorie. Un rating offensif de 117 qui les classe 7ème et une défense plutôt average, ils sont 12ème avec 112 points de defensive rating. En playoff, ça bat facilement Portland, même s'ils ont chopé deux matchs les Blazers, ça passe à 4-2 le premier tour, mais par contre ça prend un gros sweep par Phoenix 4-0 en patron. Avec un Devin Booker en feu. Et tout simplement impossible pour le MVP Jokic de rivaliser. Parlons du MVP du coup. Nikola Jokic. MVP, là mec, on est parti. Trop chaud. J'ai pas le temps de miser, gros. Jokic, du coup, MVP, c'est le joueur drafté le plus bas dans la ligue qui a remporté le titre de MVP. 41ème, c'est ça? 42, je sais plus. Alors, 41. Tu as le bon chiffre et en quelle année? Nico Jokic, c'est il a 26 ans, donc il est arrivé il y a 6 ans, 2014. 41ème place en 2014, le joueur drafté le plus bas qui a remporté le MVP avec, tenez-vous bien, 26,4 points, 10,8 rebonds et 8,3 passes décisives. Ouais. 56% au tir, 38% à 3 points et 86% au lancer franc. Je sais pas ce qu'on peut lui demander de plus à ce Jokic. Et bah, 35 points, double moyenne. 15 rebonds. En plus, il pourra largement augmenter, à mon avis, ses moyennes. Enfin, largement. En tout cas, il pourra peut-être progresser un peu plus en termes de statistiques la saison prochaine. On verra ça tout de suite parce qu'on parle de free agency. Au niveau des arrivées, Jeff Green, 9 millions sur 2 ans. Contrat vétéran qui fait plaisir. En provenance du coup de Brooklyn. Un bon mec sur le banc, ça c'est bien. Ouais, carrément, ouais. C'est un mec qui va faire le taf derrière. C'est le seul vétéran de l'équipe. Il y a Will Barton aussi. Oui. Mais bon, Will Barton, il le signe 3 millions sur 2 ans. Alors je sais pas d'où ils peuvent sortir un contrat plus bas que le minimum vet. Alors est-ce que c'est une extension? Je n'ai pas réussi à trouver la source, mais on s'en bat les couilles. En tout cas, il y a peut-être ça. Ouais, je pense qu'il y a ça. Il y a peut-être une petite plus-value sur un contrat déjà existant. En prolongation, on a Jamichael Green aussi, 16 millions sur 2 ans. Pareil, c'est correct aussi. Un 3&D pour faire la diff. Austin Rivers au minimum vet, ça s'est bien payé, sachant qu'il a fait des playoffs assez bons. Ouais, il a été très bon en playoffs, c'est clair. Contre Portland. Et puis même sa saison régulière n'est pas dégueulasse. L'ancien Houston qui a fait une belle saison du côté de Denver. Et là, on sort les billets, la moula. Aaron Gordon, 86 millions sur 4 ans. Ouais. Et ben moi, je trouve que c'est une bonne prolongation. C'est une super bonne prolongation, sachant que là, sur les deux premières années, cette année, il va être payé 16 millions, je crois. Et l'année d'après, il est à 19. C'est en progressif et ça finit en 2026 à 22 ou 23 millions. Donc, sur un projet de gagner maintenant ou l'an prochain, c'est très bien joué. Même sur du moyen terme, c'est excellent. Même sur du moyen terme, c'est excellent. Comme l'a dit Rémi, dans l'idée où Denver veut être compétitif rapidement, je trouve que c'est un très bon contrat. Denver, faut qu'il gagne maintenant. Bah, ils n'ont pas le choix. Enfin, ils sont dans cette optique, en tout cas. Ils sont dans cette optique, on en parlera un peu plus tard. Et il y a aussi la prolongation de Michael Porter Jr. Donc, 172,5 millions sur 5 ans garantis. Et avec bonus, ça peut monter jusqu'à 207 millions. Ouais. Donc en gros, c'est le contrat qu'a signé comme Doncic, comme Trae Young, c'est la même chose. C'est le même contrat. C'est les mêmes années, c'est les mêmes prolongations. Ouais. Franchement... Vu le joueur, vu ce qu'il produit. Alors moi, je trouve ça peut être un peu cher. Sachant, okay. Parce que moi, Michael Porter Jr., je le vois. Donc c'est un 3-4. Ouais. Moi, je le vois plus jouer en 4. Et le problème, c'est que bah, t'as déjà Rob Gordon sur ce poste-là. Ah, moi, je le vois plus jouer 3, tu vois, Porter Jr. Et ben après, tu vois, par exemple, avec l'apport de Jeff Green, c'est vrai que tu peux le décaler en 3, mais pour moi. Jeff Green, il va pas avoir beaucoup de minutes, hein. Il va pas jouer beaucoup. Hein. Bah, Jeff Green, ça va pas être le mec qui va carry. Mais ce que je dis, c'est que Aaron Gordon va être certainement titulaire au poste 4. Oui, ça c'est sûr. Jeff Green en backup. Ouais. Et en fait, le poste 3-4 va se décider du coup entre Michael Porter Jr. Et on a aussi sur ces postes-là, je ne dis pas de bêtises, on a aussi Will Barton qui va potentiellement pouvoir jouer un petit peu. Quelques minutes, quelques minutes. Ouais, mais Will Barton, c'est un mec qui a déjà la confiance du coach. Il sort d'une saison à 19 minutes par match. Il peut encore y aller. C'est ça. Ouais, mais il aura moins dans la rotation. Il a un peu moins sa place. Après, voir avec les blessures, ce qui se passe et tout. Donc dans l'idée, pour moi, c'est une prolongation logique parce que de toute manière, tu peux pas laisser partir un talent aussi fort. Mais non, ça c'est certain. Pour le rôle qu'il a pour l'instant, c'est peut-être payé un peu cher. Mais il a un potentiel, il a un très gros potentiel, moi je trouve. C'est ça, en termes de talent, ils ont pas le choix de le laisser partir. Ouais, Nico, tu voulais rajouter un truc ? Ouais, j'ai un peu de mal des fois quand on dit ouais, il mérite pas et tout. Là, on parle quand même d'un mec qui est très jeune. Je sais plus quel âge il a, mais il a 22. Comme ça, je peux te dire ça de suite, il a 23. Voilà. Donc le mec, il a fait une bulle excellente. Cette année, il a été excellent. Même s'il a pas trop de minutes et tout, il a quand même été très bon. Et MPG, je vais sortir ses stats, les gars. Il est à 24 minutes par match. Et il fait 19 points, 6 rebonds. Voilà. Et ben, je peux te dire qu'il y a des mecs qui ont son âge ou même qui sont un peu plus vieux. Et qui ont le même contrat, mais qui sont un peu surcotés. Je parle un peu d'un certain mec à Philly, par exemple, qui a un très gros contrat, mais que ben, on sent que le gars. Ça, c'est comme dans toute franchise. Ah. Dans toutes les franchises, il y a certains talents qui sont pas exceptionnels, mais ils sont obligés de mettre la blinde dessus parce que même si le talent est pas dingue, t'es obligé de le garder, sinon il suit. Et si tu perds tous tes talents comme ça, bah t'es baisé. Sauf que je préfère mille fois avoir un MPJ qu'un Ben Simmons, tu vois. Ah bah c'est pas du tout le même genre de joueur. Bah ouais, après là, je pensais pas que tu parlais de Ben Simmons pour le coup, je pensais que tu parlais de Tobias Harris. Ouais, ah, sur le même poste, oui, bien sûr, t'as Tobias, mais Tobias est différent, c'est un mec plus vieux et tout. Là, je parle pour un mec jeune, le gars il a trop de talent pour être lancé derrière. Bah non. La prolongation est... Enfin. Moi je suis Denver, je garde MPJ, évidemment tu continues de construire autour du duo Jokic-Murray, et tu gardes MPJ, et l'objectif c'est juste de le faire monter et de miser sur lui pour pouvoir faire une attaque de dingue. Quoi. Mais en attaque il est très très bon, il est bon partout, il sait tout faire. Hein, donc, Il se bat. Voilà. Ouais. D'ailleurs, petite question qui va tout de suite vous refroidir. Jamal Murray, pour vous on en est où dans cette histoire ? Comment ça se passe en termes de contrat, en termes de blessures ? Qu'est-ce que vous voyez pour la suite, sachant que les dernières infos, il a été opéré du genou en avril dernier. Ouais. Il s'en remet très bien. En revanche, il a repris les séances de tir, etc. Mais le problème, c'est qu'il n'y a toujours pas de retours qui sont indiqués. Mais c'est normal. Je pense début de saison ou quelques semaines après, ça c'est pas trop problématique. Ça me fait pas peur et il fait clairement partie du noyau dur de l'équipe de Denver aujourd'hui. Sachant que il y a eu des rumeurs de trade aussi hein, de Jamal Murray, mais qui sont sortis notamment dans l'histoire de Ben Simmons, parce qu'en fait tout ce qui se passe cet été est en rapport avec Ben Simmons quasiment. Donc tous les meneurs de la ligue ont été dans les rumeurs de trade. Jamal Murray en a fait partie. Mais bon, en termes de contrat, ça se valait. Je suis pas sûr que Philly non plus ait été attiré par récupérer Jamal Murray avec sachant sa blessure, etc. Tu vois. Je pense que c'est un trade qui n'est pas envisageable pour l'instant du côté de Denver. Tu peux pas transférer un joueur blessé comme ça. Et bon, faut voir comment il revient. Est-ce qu'il aura toujours le même niveau ? S'il a le même niveau que dans la bulle, c'est incroyable. Et on espère que ça va aller pour lui, tout simplement. Ouais, c'est ça. Puis surtout, si t'as le front office, peut-être qu'eux, ils ont des doutes. Mais derrière, le patron, on sait tout ce qu'il sait. Hein. C'est Jokic. Ah, Et Jokic, c'est son frérot. Hein. Donc, il le veut avec lui. Ils ont galéré un petit peu au début ensemble et tout. Il a envie d'aller loin avec ce gars-là. Et quand tu vois l'équipe qu'il garde, bah, comme tu dis, avec les atouts qu'il a eu rajoutés cet été, en fait, ils sont là-dessus. Ils sont pour moi, il n'y aura pas de trade du tout de Jamal Murray. Hein. puis la cohésion se fait super bien entre les deux. Voilà, c'est ça. Et les mecs, ils sont vraiment main dans la main. Il n'y a pas de guerre d'ego et tout. Et franchement, c'est hyper sain. Et derrière, Porter Junior, en plus, lui, pareil, qui accepte, entre guillemets, un peu le sale boulot et tout. Des fois, quand tu Ouais, vois en attaque, je suis bah, d'accord. il est plein de possessions où le mec, il joue pas. Enfin, il n'a pas la balle, plutôt. Et tu regardes. Enfin, forcément, quand Jamal était pas là, c'est sûr qu'il avait les des ballons, c'est logique. Mais en vrai, il a tout à apporter derrière, en plus de ces deux-là. Quand les deux vont, surtout Ah quand mais Jamal va revenir et qu'il sera en forme, pour moi, il va revenir. Comme disait Rémi tout à l'heure, il est jeune. Ok, bah, 24 il ans. s'est fait, ouais, voilà, 24. il s'est fait le genou. Après, derrière, s'il y a des rechutes à la D Rose et tout, on verra. Hein, Sachant que contractuellement, l'année prochaine, il est encore payé 31 millions. Ouais. Jusqu'en 2025, son contrat. C'est exact. Et c'était un contrat à 158 millions sur 5 ans. J'ai fait Et mes devoirs. pareil, il a chopé l'extension rookie. Ouais, je vois ça. Au-dessus, au Oh, max. ouais. Je suis pas tout seul à avoir préparé, c'est parfait ça. Ah, moi, j'ai rien préparé, moi, je suis J'ai un petit totalement truc qui sera là freestyle. pour rigoler. J'ai envie de dire comme d'habitude. Bah oui. Gamin, t'en penses quoi toi de Jamal Murray? J'espère le revoir à son niveau qu'on a pu voir dans la bulle à la sortie. Ouais, voilà. Il était incroyable. C'est ce que je veux voir, c'était incroyable. Alors, pour le coup, c'est ce que j'allais dire. Après, la mise en jambe, ouais, il est incroyable. Moi, je le kiffe, hein, d'où le jersey. À cette draft-là, clairement, c'était mon poulain. Et en soi, le truc qui me. Je veux pas dire qui m'inquiète, mais en soi, on l'a vu dans la bulle, on l'a vu sur la série de playoffs contre Utah, on en a parlé la dernière fois. Lui et Donovan Mitchell, les deux étaient à un niveau Ah bah oui, monstrueux. c'est clair. Est-ce que Jamal Murray, il n'a pas fait partie des joueurs qui sont meilleurs sans public qu'avec? Je pense que oui. Hein. Bah, la preuve en est. Je pense que oui, c'est pas contre lui, mais en fait, il y a beaucoup de joueurs comme ça qui fonctionnent aussi à la pression. Et en fait, le fait de ne pas avoir le public hostile quand tu es à l'extérieur ou quoi que ce soit, et bah ces mecs-là, c'est une libération pour eux. C'est une libération, clairement. Et on l'a vu, parce qu'en fait, le mec, il était en totale confiance avec le jeu et avec ce qu'il est capable de faire. Et la seule chose en fait qui différenciait d'habitude, bah, c'était justement le public. Donc ouais, c'est un des joueurs qui a profité de la bulle pour émerger un talent certain et qui peut amener certaines équipes des fois à signer des gros contrats sur des joueurs parce qu'ils savent qu'ils sont capables de faire ça. Et après, c'est aussi un travail mental, hein. Vous pensez qu'avec le public, le gars, il va pas réussir à tenir? Alors si, je pense qu'il l'a montré, et même encore cette saison, il fait une bonne saison, hein, si je ressors ses stats, 35 minutes, il fait 20 points, 4 bons, 5 passes, une steal. C'est tout à fait correct pour son âge, 24 ans, sachant que dans 1-2 ans, il va commencer à rentrer dans son prime. Nikola Jokic, lui, il est déjà dedans. Enfin, je pense qu'il est dedans, en tout cas, s'il y est pas, en tout cas, ça va être quelque chose. Mais pour le coup, Murray, il va être dans son prime, soit en fin d'année, soit en fin d'année prochaine. Donc clairement On disait Nico, on doutait pas du potentiel du joueur. On disait juste que pendant la bulle, il a montré qu'il était capable de beaucoup Ah plus, alors qu'il ouais, faisait clairement. déjà beaucoup. C'est ça le Ouais. truc. Ouais, mais quand tu regardes cette saison, Jokic était encore plus fort que dans la bulle. Déjà dans la bulle, bah, on l'a dit la dernière fois, il était tout chaud et tout. Et là, franchement, cette saison, bah, il est MVP, de toute façon, il n'y a rien à En dire. fait, Le t'as une mec, il. répartition du ballon qui est Voilà. différente, hein. Forcément, derrière la blessure de Jamal. On disait tout à l'heure Michael Porter Jr., le gars, je pense que lui, tu vois, tu parlais de Jamal Murray qui aurait peut-être un peu de mal et tout. Et ben, pour moi, MPJ, il a les épaules pour réduire un peu de pression sur Jamal Murray pour que lui, il revienne de sa blessure tranquille, qu'il se remette dans le rythme et qu'en plus, derrière, il ait des grosses perfs. Parce que bah, lui aussi, MPJ, il est en progression, il a tout à prouver aussi. Hein. Là, il vient de signer un gros contrat. Le mec, il va falloir qu'il réponde. Et il le fera, je pense. Parce que les ajustements qu'ont fait les Nuggets permettront que Jamal Murray revienne doucement de sa blessure. Il y a du talent tout autour et sur chaque Ah bah poste. oui. En vrai, la profondeur de l'équipe est vraiment correcte. En vrai, l'effectif est vraiment bon. Ils peuvent gagner avec l'effectif qu'ils ont, clairement. Faut encore qu'ils montent un peu en niveau. On parle de Jamal Murray qui va atteindre son prime dans quelques années. Je pense que MPJ, il peut encore être développé. Ah Moi, bah la vraie oui. question que j'ai à poser, je la pose de suite, c'est qui c'est qui est vraiment le leader de l'équipe? On va tous être d'accord que c'est Jokic. Ouais. Mais c'est un leader un peu style à la Kawhi, genre il lead l'équipe par l'exemple parce que t'as envie de le suivre. Le mec est juste tellement bon que bah tu le suis. Mais c'est pas un leader vocal, c'est pas le mec qui va venir t'encourager, c'est pas le mec qui va venir te taper dans le dos, etc. Ouais. Est-ce que c'est Jamal Murray qui prend ce rôle-là, qui prend le lead? Est-ce que ça va être MPJ par la suite, mais il est encore un peu jeune? Est-ce que c'est Will Barton, mais il fait pas forcément la production qu'il faut? Ouais. Par exemple, à Toronto en 2019, Kawhi, du coup, qui était le leader par l'exemple, il y avait Kyle Lowry derrière qui boostait l'équipe, que c'était vraiment le leader vocal, quoi. Ouais, c'est ça. Est-ce que justement, ils ont pas perdu leur leader vocal en tant que Paul Millsap? Voilà, c'est exactement là-dessus que j'allais rebondir. Tu penses qu'un Austin River, il peut pas parler un peu? Ah, c'est un ancien aussi, mais après, est-ce qu'il a le temps de jeu pour parler, tu vois? C'est ça le truc. Non, il sera sur le banc. Non, mais il a l'expérience, il en a bouffé. Austin River, c'est un mec d'expérience, ouais. Je pense que c'est plus le mec qui est là pour gérer le vestiaire, entre guillemets, et dire les gars dans ce genre de situation. Et de toute façon, Austin River, s'il sera en seconde unit, hein, ce sera la 6-7e option. Denis Aslem à Miami, il a un rôle de. Ah, qu'est-ce que tu compares là? Qu'est-ce que tu compares? Le gars, il fait partie des meubles. Ce que je veux dire, c'est pas le temps de jeu. C'est pas le temps de jeu qui fait. C'est un meuble. Non, mais là, c'est, mais tu ouais, peux tu pas vois, comparer. Pour moi, il va falloir trouver un nouveau porte-parole, un peu ce qui était Millsap depuis 3 saisons. Exactement. Parce que le Paul Millsap, avec l'expérience qu'il a eue, notamment à Atlanta c'est en 2015 qu'ils font le run ou 2014 ouais. Son premier de conf, c'est en 2015. Tu vois, c'est le gars qui a pu arriver dans le vestiaire dans le jeune vestiaire de Denver et mettre les points sur la table en mode les gars, c'est comme ça que ça se passe. En fait. Ouais. On en parle très peu, mais Jeff Teague avait un peu ce rôle-là. Ouais, mais parti rapidement. Ouais, mais bah, Jeff Teague, il avait le rôle sur le terrain, mais Millsap, il l'avait sur le banc et dans le vestiaire, quoi, je pense. C'est sûr, c'était lui le patron. Derrière, t'avais Jeff Teague qui était derrière, mais c'est sûr que. D'ailleurs, en termes de départ aussi, il y a Jamal McGee, donc c'est de l'expérience quand même, qui est parti au Suns cet été. Le champion NBA. Donc... Mais ça, je trouve pas ça forcément très gênant pour Denver. Non, mais, non, mais tu parce vois... Parce que ça apporte du spacing, Nico. Pas notre Nico à nous, hein, Jokic. Oui, non, bien sûr. Non, je disais, de toute façon, McGee et Jokic jouaient rarement tous les deux sur le terrain en même temps. Donc, mais c'est surtout que McGee, c'est quand même de l'expérience, tu vois. Et malgré tout ce qu'on peut dire sur lui, et ce qu'il y a avec tous les Shaq-Tino Full, etc., genre... Le gars, maintenant, il a tellement eu de soucis. Il a deux bagues, trois bagues, trois, non, deux, trois bagues. Trois bagues. Lakers et Warriors. Et une à LA. Yes, c'est ça. Donc, tu vois, cet été, ils ont perdu, je pense, en expérience dans le vestiaire. Ouais, ça, c'est clair. Mais ils montent en potentiel, je trouve, quand même. Mais ouais, c'est ce que j'allais dire, justement. Là, Jeff Green, tu vois. Potentiel offensif, hein, parce que défensivement, on n'en a pas parlé encore, mais défensivement. Ça va être le point faible de l'équipe, ouais. Même si pour le coup, comme Gus l'a dit au début, ils ont un rating qui est pas dégueu en soi. Ils s'en sortent quand même assez mal, assez bien. Mais t'avais mis le sap en bas quand même. Parce que Jokic, je l'adore. Ouais. Mais défensivement, c'est vrai qu'il... Ouais. Ah, c'est pas ça. C'est pas le meilleur. Si il ferait les efforts comme Embiid l'a fait cette année en défense... Ouais, mais c'est pas le même gabarit non plus. Après, apparemment, il a grave fité. Jokic, est-ce qu'il paraît qu'il a fité cet été? Ouais, il a fité cet été. Il vient d'être papa d'ailleurs. Ah ouais. Il vient d'être papa. Bah, ouais. S'il nous fait une saison post-papa comme Van Vliet, il vient d'être papa depuis aujourd'hui. Donc on le félicite. Félicitations Nico. On félicite la maman aussi. Merci les gars. On félicite la maman de supporter les 120 kills de Nico. L'effort a dû être difficile. Le bébé, il est né, il faisait 7 kilos. Voilà. Mais tu vois, par exemple, Jeff Green, moi, je trouve que c'est un apport défensif qui est assez intéressant. Dans la polyvalence 3-4, pour moi, ça permet aussi de combler un peu, justement, le départ de Millsap, forcément. Mais c'est aussi, tu vois, par exemple, MPJ, défensivement, il est là, mais je pense qu'il peut faire beaucoup plus. Ah oui, un mec comme Jeff Green, ça peut clairement le former à plus, tu vois. Il peut clairement emmener Michael Porter Jr. vers un taf défensif beaucoup plus intéressant. Rémi l'a dit tout à l'heure, c'est le seul vétéran de l'équipe. Donc le mec, il va, t'inquiète pas. C'est le seul vrai vétéran. Il va être avec ses petits poulains et tout. Hein, donc, c'est ça. T'inquiète pas. Clairement. Complètement. Donc voilà pour ce qui s'est passé cet été. En termes de petit débat, pour vous, Mike Malone, coach des Nuggets, est-ce que ce ne serait pas sa dernière ou avant-dernière saison si le titre ou la finale n'est pas à tort? Ah ouais, tu penses? Ça fait un petit moment qu'il est là, Mike Malone. Il a fait une finale de conf quand même en 2020 dans la bulle. Ensuite, il se fait sweeper par Phoenix, mais pour le coup, Phoenix, c'était vraiment à un très gros niveau. Ah, je sais pas. Mais parce que moi, dans l'idée, c'est comme ça que je le vois, que Jamal Murray, par exemple, revienne aussi fort qu'il l'était, ou au moins dans ses standards habituels de 20, 26, 27. Ouais. Est-ce que vous pensez que dans deux saisons, si Denver n'est pas allé au bout, ou au moins en finale, est-ce que vous ne pensez pas que Denver va vouloir changer ça et essayer de trade Jamal Murray? Jokic, ils y toucheront pas. Moi, je suis pas sûr, tu vois. Moi, je pense pas. Tu crois que ça tiendrait ça? Bah, en fait, le seul vrai problème avec Mike Malone, c'est que stratégiquement, il joue vachement bien, il gère bien les rotations, les minutes, etc. Le vrai problème, c'est que, en termes de stratégie défensive, on en a parlé juste avant, c'est pas trop ça. On voit bien que les mecs, ils défendent, mais ils sont un peu perdus sur le terrain, quoi. Ils défendent homme à homme, mais il n'y a pas forcément les changements qui se font comme il faut en termes de défense. Ouais. Et c'est son petit point faible. Est-ce que c'est juste pour ça qu'on va venir y tirer les balles dans le pied pour qu'il dégage? Bah pour moi, défensivement, c'est qu'il n'a pas les joueurs, en fait. Je pense qu'il n'a pas de mauvaise strat défensivement, mais c'est que l'équipe ne fait pas ça. D'où l'idée d'un trade? D'un trade de? Bah pour moi, je pense que tu vois, dans deux saisons, si... suivant comment il revient et comment ça se passe pour les Nuggets, Jamal Murray. Je pense que Jamal Murray pourrait dégager. Ok, bah tu vois, moi je pense plus que si MPJ prend de la valeur, et bah il y a plus moyen d'avoir une grosse monnaie d'échange en contrepartie de MPJ plus, je veux dire n'importe quoi, un pick de draft et puis un petit contrat pour récupérer un gros mec qui peut venir apporter avec Nico et Jamal à l'aile, un mec qui peut planter, qui peut scorer, qui peut défendre. Ouais, tu vois plus ça comme ça, toi. Ouais, Moi, je vois plus MPJ prendre de la valeur pour se faire trade que Jamal Murray partir. En fait, dans ma vision des choses, c'est plus dans ma tête, c'est plus Jamal Murray vu qu'on sait de quoi il est capable. Et en fait, c'est déjà une monnaie d'échange qui est réelle à l'instant T, tu vois. Okay. Alors que MPJ, si tu le développes beaucoup plus, et là, si la saison prochaine, il est à 23 points ou 22 points. Toujours ses 9 rebonds et 6 passes, là, ok, tu vois, genre, s'il est à ce niveau-là... Là, il est à une passe. Hein. Ouais, mais bon, je pense pas qu'il ait beaucoup de step-up au niveau valeur statistique, mais je pense qu'il sera meilleur dans la régularité, dans les pourcentages et tout. Parce qu'au final, quand tu regardes, c'est Jokic qui dicte le jeu, et comme on a dit, si Jamal revient bien, il aura un peu moins de ballons que l'année dernière. Par contre, les progrès qu'il a à faire, c'est défensivement... sur les transitions, même s'il est déjà très bon, et même sur les pourcentages et tout ça, parce que il est jeune, hein, il a encore un peu de déchets, mais c'est comme ça, je pense qu'il va s'améliorer. Il aura moins, il fera pas, pour moi, il fera pas 23 points par match, mais je préfère le voir par exemple à 17 points par match. Ah, mais clairement, en étant à 50-50-50, tu vois, plus que 50% lancé quand même, mais oui, je suis d'accord. Mais du coup, en termes de contrat, ils sont déjà à 3 contrats max. Donc tu peux pas, à mon avis, tu peux pas garder cette base si tu vas pas plus loin, tu vois. Bah tu peux le garder 1 ou 2 ans et si t'as pas gagné, ouais. C'est sûr que t'as pas de marge de manœuvre. C'est ça. Donc en fait c'est ce qu'on disait, les objectifs du coup ça va être de gagner maintenant ou la saison prochaine. Donc l'objectif pour gagner maintenant c'est de faire un gros trade en tradant un joueur Jamal Murray ou alors MPJ contre un gros joueur. MPJ vient de re-signer, c'est pas lui qui partira. Est-ce que justement la prolongation de Michael Porter Jr. c'est pas pour se couvrir un peu du potentiel retour de Jamal Murray en forme ou méforme, tu vois? Ouais, aussi, ouais, je pense. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Après, tu vois, ça se trouve, on sait pas, hein, mais ça se trouve, en février, Jamal Murray revient tout doucement, il est chaud pour les playoffs, et en fait, l'effectif de Denver, il est rodé pour ces playoffs-là. Tu vois, ça se trouve, c'est peut-être l'année de Denver ou l'année prochaine avec une saison complète de Jamal Murray. Donc, pour moi, tu vois, ils vont pas transférer cette année, mais c'est plus dans 2 ans, tu vois. Après 2 échecs, là, je pense qu'ils seraient obligés de faire quelque chose. Après 2 échecs, ils vont faire quelque chose. Quel move ils vont faire? Comme on dit, ça va être soit MPJ, soit Jamal Murray. Le contrat de Gordon est à combien? Tu peux me rappeler? 86 millions du coup sur 4 ans pour Aaron Gordon. Ouais, non. Aaron Gordon, il est payé 16 millions cette année, 19 l'année prochaine, et c'est progressif comme ça. Mais du coup, ouais, Aaron Gordon, tu crois que c'est une monnaie d'échange, Nico? Bah, ça dépend ce que t'as besoin. Si t'as besoin juste d'un mec en complément, qui a un bon. Enfin, ouais, je sais pas. Parce que ça fait du 20 millions l'année, en gros. Ouais. Je trouve ça cher, Aaron Gordon. Ah ouais, tu trouves ça cher? Ouais, parce que c'est... Moi, je trouve ça cher parce que c'est... Moi, je peux comprendre qu'ils mettent du fric chez lui. Moi, je trouve pas. Moi, dans les valeurs d'aujourd'hui, dans tout ce qu'il y a comme contrat, quand tu vois que ouais, c'est clair. Luke Kennard, il est à 25 millions la saison, Aaron Gordon, 20 millions, c'est pas dégueu. De toute façon, les contrats font que d'augmenter. Donc... En termes d'ambition, qu'est-ce que vous voyez l'année prochaine, du coup, en termes de classement en saison régulière et ambition playoff? On part sur des petits pronos, messieurs, dames. Giannis definitely has to play better, but as a team, I don't know where Milwaukee goes from here. Whoa. So is this over? No, listen. I think it's over. They have more talent than the Milwaukee Bucks. The Bucks, 116 to Celtics 91. The Milwaukee Bucks are headed to the Eastern Conference Finals. Bah, Nico, allez, on te laisse commencer. Je vois pas Murray revenir trop vite. Donc, régulière, au début, un peu poussif et tout. Bah, après, même si t'as Jokic et tout, hein, mais ça va gagner des matchs. Je pense que ça va finir top 3 à l'ouest. Ouais, top 3, et puis grosse. Voilà. Top 3, playoff aussi, tu La veux La semaine dernière, on a déjà dit qu'il y avait Utah dans le top 3. Ouais, j'aimerais bien connaître votre classement à l'Ouest, les gars. Certains ont dit Utah. Alors, toutes les franchises de l'Ouest finissent dans le top 3. Le truc, c'est 6 équipes qui peuvent le faire, mais il faut faire des choix. Quoi. Moi, je le vois vraiment top 3. Et tu veux les playoffs ou pas? Ouais, tu peux. Ambition playoff. En playoff, moi, je vois finale de conf. Il n'y aura pas un sweep à la Phoenix. Ouais. C'est, pour moi, c'est soit finale de conf ou finals. C'est sûr. Jokic est vraiment tellement au-dessus. Quoi. Moi, je les vois troisième. Tu les vois combien? Troisième. Troisième aussi? Ok. Ouais. Et en playoff? Troisième et playoff, j'aurais dit finale de... Ouais. Ouais, parce que playoff, c'est chaud, finale de conf. Il y a du monde quand même. Hein. Mais oui, hein. Moi j'ai mis Utah la dernière fois. C'est du Dallas, c'est du Clippers avec leur tour des blessés. Et Utah, il y a les Lakers, il y a là tu vois, et moi deuxième je mettrais bien un petit Dallas, tu vois. Ah ouais, t'as les gars. Sachant que Utah tu l'as toi aussi mis dans le top 3 je crois, non? Moi j'ai dit 4 moi. Ah t'avais dit 4, ok. Cool. Ouais. Utah je les mettrais 4e en saison régulière. Ouais, c'est ce qu'il avait dit. Et je mets Westbrook premier. Prends des notes Rémi au cas où il y a 40 sur les classements. De toute façon, j'ai toutes les séquences, c'est bon. Je vais faire un récapitulatif bientôt. Vas-y Rémi, positionne-toi un peu. Là, cette année, on va être sur une saison à 82 matchs. On n'est plus à 72. Et à Denver, on n'a pas forcément des athlètes. On a un Nico Jokic qui est incroyable, qui joue pas mal de minutes. Mais après, ouais, soi-disant qu'il a fité cet été, donc on va bien voir. Mais... Je pense pas qu'il va. Alors, je pense qu'il va avoir certains matchs où il va se reposer. Jamal Murray, ça va être pareil. Il va y avoir un peu de load management dans tout ça. Donc, ça va y aller un peu tranquille. Ça m'étonnerait qu'il vise vraiment des gros classements. Je les vois plus à taper sur un 4e ou 5e de conf. Après, en termes d'ambition, je les vois pas viser les premiers de tableau. Ça leur sert à rien. Mais par contre, évidemment, en playoff, leur ambition, c'est d'aller en finale. Ça, c'est sûr. Mais ouais, je les vois bien, moi aussi, aller en finale de conf, un truc comme ça. Bah, je vais... perdre 4-2 en finale de conf malheureusement et pas accéder au final. Mais ce serait déjà un step, bah, même s'ils l'ont déjà fait dans la bulle, mais c'est un contexte différent. Ils ont fait 4-1 dans la bulle Je crois que c'est ça, ouais. Ouais. Il me semble. Ils prennent le premier match et après les cartes se déroulent. Ouais, exactement. C'est ça. Moi, je te rejoins sur ce qui se passe pour la saison régulière. J'ai un peu la même réflexion que toi. Pour moi, ça va être un peu une équipe qui va se gérer pour les playoffs et qui laissera certainement passer quelques matchs à coup de repos de certains. Et je pense que ça va finir 5e, tu vois, genre derrière Dallas 4e, un truc dans le genre. Okay. Mais fort en playoffs. Et même si la finale de conf serait l'objectif, je pense que ça va malheureusement craquer sur un deuxième tour encore. Même si un solide deuxième tour, mais qui passera pas. Malheureusement, je pense que il y a trop de concus. encore trop forte à l'ouest. Et tu vois, genre, j'ai limite plus de certitude sur Dallas que sur une équipe comme Denver, malgré la profondeur. Je pense que ça va craquer en demi. Donc ouais, ambition d'équipe serait finale. Je pense que ça ira pas finale de conf. Donc ouais, demi-finale pour moi. Ok. Okay. Voilà, le prochain coup, voilà, on parle de Dallas, hein, parce qu'on fait que de parler d'eux. Va falloir y aller. Hein. Bah en fait, on l'a fait, ouais. On l'a fait, mais t'étais pas là. C'est vrai. Il y a beaucoup de franchises sur lesquelles on n'a pas encore parlé. Y a encore vous avez vraiment fait Dallas. Discuter pour les prochains pilotes. Ouais. Ouais, vite. Bah en fait, le premier podcast qu'on a fait, on a tous parlé de deux équipes et. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, Gabin nous a fait une joie de nous parler de Dallas. Ouais. D'accord. Et d'ailleurs, Gabin nous avait fait une joie de nous parler de Dallas et il a appris le jour J qu'il y avait Franck qui avait été signé. Non, gros, c'était ce jour-là qu'il a signé, espèce de bâtard. Oui, mais tu l'as appris pendant le podcast. Non, pas la du tout. La bombe en direct. Du coup, est-ce que vous avez 2-3 trucs à rajouter ou est-ce qu'on peut passer au jeu, messieurs dames? On va faire un petit jeu, les gars? Ah, carrément, moi je suis chaud pour un petit jeu là. Bah, bon, bah, Gabin, tu joues pas, mais nous on joue. C'est parti pour le jeu de Rémi. Franchement, je te préviens tout de suite, c'est vraiment pas mon truc. Ce sera le Pérou si j'en mets 2 sur 5. On n'est jamais trop aidé, non? Allez, Billy Boy, ouais! Allez, allez, c'est bon! Oh la vache! Oh putain, en plein dans le mille! C'est à chier. À chier, on dirait qu'il balance une brique. Aucun style, vraiment, c'est de la merde. Un peu d'histoire, les gars. Moi, j'aime beaucoup l'histoire. Je vais partir sur des petites questions où je pense que vous allez galérer, mais ah bah oui, ça va être cool. En quelle année est-ce que la franchise de Denver a-t-elle été créée? Oh là. Fais voir ton maillot. Bon, les gars, sortez-moi toutes les années que vous voulez. petit tips, Denver, ça fait partie des franchises qui ont été intégrées via la NBA. 73. Non, pas 73. Je dirais. C'est du coup, ouais. Même comptage de points que la semaine dernière. Hein, celui qui trouve la bonne réponse, plus un. Ok. Ouais, dans les années 50, par là, un truc comme ça. Allez, 68 pour moi. Ouais, 58. 50, tu dis, Nico? 68 pour Gus? Ouais. 58, moi. Et bah, c'était 67. Dommage, Gus. Dommage. C'est quoi, Gus? Je vais mettre un point pour Gus parce que c'est celui qui était le plus proche. Gabin, il a même pas donné son avis. Je pense que ce sera mieux comme ça. Parce que sinon. Si, il a dit 73. Il a dit 73. Est-ce que vous connaissez l'un des anciens noms de la franchise de Denver? Aujourd'hui, c'est les Nuggets. Mais avant, ils avaient un autre nom. Qui existe en fait, encore ou pas? Si vous voulez même savoir, je vais vous aider. L'équipe, elle a été fondée en 67, du coup, sous le nom des Larks de Denver. Ouais. Tout au début, c'était les Larks de Denver. Et ensuite, ils ont changé de nom pendant leur première saison, donc jusqu'en 76, après, quand ils arrivent en NBA. Ils ont dû changer parce qu'il y avait déjà une équipe qui portait ce nom-là. Ça existe encore? Non. Mais Baltimore, c'est une ville, frérot. Ben oui. T'as un grand sourire. Ouais, ça existe encore. T'as un grand sourire. Je dirais un petit Bulls. Non, il est fou. J'en sais rien. Non, je sais pas les Bulls, frérot. C'est pas les Bulls. C'est un fou, les Bulls, ça bouge pas de Chicago, mec. Je sais pas, gros. En vrai, c'est dur, hein. Ouais. C'est une franchise qui existe encore à l'ouest ou à l'est? Ouais. À l'ouest ou à l'ouest? À l'ouest. À l'ouest. Allez, les Suns. Bon. Ok, les Suns, c'est pas ça. Merde. Plus. C'est trop dur, ouais. Vas-y, bah, deviens un truc au hasard, de toute façon, t'en sais rien. Hein. J'en sais rien, les Blazers. Eh ben non, c'était les Rockets. C'était les Rockets de Denver, bon. Donc on aurait pu imaginer James Harden jouer à côté de Jokic. Inch. Avec Westbrook. C'était très très drôle. Oh là là, le carnage. Petit truc rigolo. Est-ce que vous pouvez me donner un nom d'un mec qui a son maillot retiré à Denver? Moi perso, quand j'ai vu, alors je vous le dis, il y en a 7, dont un c'est un coach, moi je l'avais pas. Parmi les 6 joueurs, du coup, j'en avais que 2. Oh là là. Les autres, j'avoue, je les connais même pas. Melo. Non. Non, mais bah non, Melo, mec, il a toujours pas fini sa carrière, il va pas avoir son. Ah oui, c'est vrai, je suis con, moi. Y a pas Fat Lever ou un truc comme ça? Ouais, putain, Gigi, gros, je le connaissais pas, mec. C'est grâce à Touquet. C'est grâce à Touquet. Moi, j'en ai aucun. Petit indice quand même, pour ceux qui suivent un peu l'histoire, c'est le meilleur marqueur de la franchise. Également le meilleur passeur de la franchise. C'est pas Jokic? Putain. Et c'est celui qui a fait le plus de matchs en portant le maillot de Denver. Mec, tu vas me dire le nom, je suis sûr que je le connais. Et que j'ai... Ah non, vous le connaissez alors, tous. Alors que je l'ai juste zappé. Vous le connaissez tous. T'as pas un petit indice un peu là? On pourrait croire qu'il est anglais. Alex English. Gigi. Et est-ce que vous pouvez me donner le nom du meilleur contreur? Le meilleur contreur de Denver? Ouais. Oh, mec, je connais aucun joueur qui a joué à Denver. Ouais, grave. Mais celui-là, vous le connaissez forcément, les gars. Dikembe, non? Ouais, c'est Dikembe, évidemment. Avec 1486 contre à Denver. Ah bah ouais, bien sûr. Yes. Et pour le coup, Alex English, il tournait à 25,9 points par match sur toute sa carrière sous le maillot de Denver. Il contrait avec ses pieds, Dikembe, non? De quoi? Il contrait avec ses pieds, non? Il contrait avec les genoux, ouais. Et petite fun fact, est-ce que vous pouvez me deviner qui est le joueur qui a marqué le plus de 3 points à Denver? Vous le connaissez tous. Il est entre guillemets sur le point de prendre sa retraite. Enfin, c'est Melo. Mitigeux. Non, c'est pas Melo. Ah, c'est pas Gérard. What? Si, c'est Gérard. Let's go. C'est Gérard Smith. Ben oui. Gérard, gros. What? C'est un héros national. Mais oui, le Gérard. Saison là-bas d'ailleurs. Il a fait combien de saisons? Bah, il était là quand ils ont été en finale de conf. Il est arrivé en quoi? En 2005, un truc comme ça. Attends, je te dis ça. Il a fait 5 saisons chez le meilleur Denver de 2006 à 2011. Et c'est un gros, il était trop chaud. Il était trop chaud. Avec des moyennes entre 12 et 15 points par match. Ouais, mais il y avait déjà Melo devant lui. Il y avait Iverson aussi dans ces années-là. Donc, Ouais, et puis même, je veux dire, en 5 saisons, c'est bien d'avoir marqué autant de 3 points quand même. Ouais. Ouais, grave, en 5 saisons, ouais, c'est quand c'est il, quand il est arrivé, il était très très très fort. En plus, dans les années 2000, genre début de, enfin mi-2000, si ça jouait plus. Ça fait vraiment partie des joueurs que si les mecs s'étaient un tout petit peu entraînés, ça aurait fait le taf. Ouais, mais la drogue. Hein. Mais bon. Je pense qu'il aurait, il aurait, s'il avait déjà appris à regarder l'horloge ou le score, ça l'aurait déjà bien aidé. Ouais, grave. Grave. Tout à l'heure, il y en a un qui m'a parlé de Melo, les gars. Ouais, c'est on moi. On a tous connu l'époque Melo. Est-ce que vous pouvez me donner la plus grosse saison, les stats de la plus grosse saison qu'il a fait? Les stats de Melo dans une saison? 26. Ou les stats de l'équipe? 26 points, non? Les stats de Melo dans sa meilleure saison à Denver. 26 ou 27 points, non? 34 points, mec. 33,8. J'allais dire 31. J'allais dire 31. J'aurais dit 28, moi. Désolé, les frérots. Ok, bah, dans ce cas, maintenant, devinez les rebonds et les passes. Parce que le mec était présent. Oh, allez, rebond, 8 rebonds. Ouais. 8 rebonds. Moi, perso, j'ai pas connu ce Melo. J'ai pas connu Melo sous. 7-5. Sous le maillot de Denver. Mais, 7-5 pour moi. 7 rebonds. Mais, ouais, ouais. Melo qui fait des passes. 8. 7 rebonds, 5 passes, Ligus. Ouais. Attends, Gabin, Gabin, il t'a pas demandé les contrats. C'est à qui de dire là du coup? Je peux y aller? C'est à toi, tu peux y aller. Vas-y, Nico. Nico, moi je dis du coup 8,2 ou un truc comme ça, rebond et 4 passes. Ok. Et Gabin, tu dis quoi toi? Moi j'aurais dit 8 et 5,5 en passes. On a 7,7 rebonds, du coup c'est Gus qui s'en approche le plus. Dang. Non, c'est Nico, il a dit 8,2. J'ai dit 8 moi. J'ai dit 8. Ah bah c'est Gabin, okay, my bad. C'était combien du coup? Et pour les passes, je ne sais même plus ce que vous m'avez dit. J'ai dit c'est 7,7 rebonds. Donc 33,8 points, 7,7 rebonds. En passe, t'as dit combien, Gabin? 5,5. Moi j'avais dit 5. Et moi 4. Et Nico? Il a 5,8 passes. Oh, putain, Gabin, trop chaud. Il a fait une saison de dingue en vrai. Bah ouais. Bah il est pas en triple double quoi. C'est quoi les pourcentages? C'est quoi les pourcentages à peu près sur cette saison là? J'ai pas les pourcentages, il faudrait que je te les chope. Moi je connais un mec, il a fait 30-10-10. Même pas MVP en plus. On va lui sortir les moyennes de 8. On va lui sortir les moyennes de 8, il va bugger également. Au fond, on est devant. Comment tu fais pour voir que par lui quand même? C'est chaud. Ok, incroyable. Il y a qu'un seul mec sur Terre qui te dit il est incroyable, c'est gamin. Ouais. Non, mais ils disent ouais, il est athlétique, il saute haut, il est rapide. Et gamin, il dit il est incroyable. Faut pas non plus renier le joueur, il est fort, c'est fort ce qu'il fait. Quand même. Non, mais bien sûr, mais on dit ça pour un gamin, c'est pour le faire chier. Il est extrêmement fort le Westbrook, mais pas assez a priori, pas assez. Bah non. C'était tout du coup, les gars, pour mon jeu. Ah bon, on n'aura pas la moyenne, bon tant pis. C'est pas grave. Ouais, non, je l'ai pas là. Je te chercherai ça si tu veux, je te donnerai ça après en off. Non, bah t'inquiète, c'est bon. Ça y est. Ouais, j'avoue que c'était assez compliqué de faire un jeu sur l'histoire d'une franchise en vrai, à part poser les questions que tu trouves sur Wikipédia. J'avoue, pas simple. Donc, vous pouvez toujours écouter les dernières émissions sur Apple Podcast. Tu peux leur prendre. Il vient de dire. Gabin, tu peux leur prendre, monsieur. Il vient de dire bit. Mais what the fuck. Bon, ça, je vais on s'en fout. Vous pouvez écouter les dernières. Putain, mais merci, laissez-moi finir. Vous pouvez écouter les derniers épisodes. Oh putain. Vous pouvez écouter les derniers épisodes sur Apple Podcast, Spotify, Deezer. C'était Wake Up NBA, c'était Gus. À toute la team. La bise. Ciao les gars. Tchuss.